إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est notre cours numéro 3 dans le livre du Cheikh Saleh Al-Fawzan, Al-Mulakhas Al-Fiqhi, un résumé dans le fiqh, et c'est un livre très bénéfique inshallah. Donc on continue dans notre explication et on est arrivé au chapitre Babun fi adabi qada al-haja, c'est-à-dire le chapitre qui a rapport avec le fait de satisfaire ses besoins, dans le sens que lorsqu'on va aux toilettes, comment on doit, les règles qu'on doit respecter, et c'est-à-dire les règles de pureté qu'on doit respecter pour arriver à faire nos besoins. Comme on peut remarquer, la première chose que le cheikh a expliqué, c'est que le premier pilier dans l'islam, c'est as-salat. D'accord? Donc le livre de fiqh, pourquoi il commence pas par as-salat? C'est parce que pour faire la salat, on a besoin d'être en état de pureté. D'accord? Donc pour être en état de pureté, premièrement il faut savoir qu'est-ce qui purifie. Et c'est pour ça que le chapitre commence par les questions qui ont rapport avec l'eau. Hein? Quelles sortes d'eau sont pures? Quelles sortes d'eau sont impures? Ensuite de ça, le cheikh il parle de les contenants, hein. Donc la plupart des livres de fiqh, ils vont discuter de ce livre-là après, de ce sujet-là, les contenants. Parce que pour pouvoir te purifier, il faut pouvoir mettre l'eau dans quelque chose, dans un contenant, pour pouvoir te purifier avec. Donc pour savoir qu'est-ce qui est permis d'utiliser et qu'est-ce qui est pur comme contenant, il faut expliquer les règles qui ont rapport avec ça. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis de faire. Et là, maintenant, on va expliquer comment faire ses besoins, parce que, bien entendu, si on est impur, à cause de qu'on n'a pas respecté les règles lorsqu'on va aux toilettes, eh bien, c'est bien entendu que notre salat ne sera pas accepté. Donc, c'est important de clarifier ça. Le cheikh il dit اعلم وفقني الله واياك وجميع المسلمين ان ديننا كامل متكامل ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم الا بينه ومن ذلك اداب قضاء الحاجه ليتميز الانسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرم الله به فديننا دين النظافة ودين الطهر فهناك أداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة وعند الخروج منه. Donc le cheikh il dit sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à moi, à vous ainsi qu'à tous les musulmans le succès, que notre religion est complète et parfaite, hein, et qu'elle n'a rien laissé de ce que les gens ont besoin dans leur dunya ou dans leur religion, ou dans leur dunya, dans les choses de la vie. Sauf que ça a été clarifié et expliqué clairement. Donc, Parmi ces choses, il y a le fait que, yani, on doit remplir nos besoins, c'est-à-dire aller aux toilettes et, yani, se libérer des choses qui doivent sortir, yani, des impuretés qui sortent de nous, yani, après avoir mangé. Donc, le cheikh, il dit que l'être humain se distingue de, yani, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a anobli, se distingue des animaux, yani, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a anobli du fait que justement il reste propre et il se purifie, etc. Donc il y a donc des règles pour savoir comment on rentre et comment on sort des toilettes et tout ce qu'on doit respecter de ces choses-là. Naam, et aussi ça nous distingue des koufars, bien entendu, parce que beaucoup des koufars ne respectent pas ces règles-là lorsqu'ils vont eux-mêmes aux toilettes, parce que pour eux la pureté c'est parfois quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. Donc alhamdulillah ala l'islam, alhamdulillah que Allah nous a guidés à l'islam. Le cheikh il dit: إذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. Le cheikh il dit que lorsque le musulman il veut rentrer dans l'endroit qui a été préparé pour remplir nos besoins, on appelle en arabe al-khala, alors il est recommandé pour lui de dire bismillah, au nom d'Allah, a'udhu billahi min al-khubuthi wal-khaba'ith, je cherche le refuge en Allah contre les impuretés, les saletés, etc. Et aussi il y en a qui disent que al-khubuthi wal-khaba'ith c'est les djinns, mâles et femelles. Après le cheikh il dit: wa yuqaddimu رجله اليسرى حال الدخول وعند الخروج يقدم رجله اليمنى. Le cheikh il dit: lorsque tu rentres, tu mets ton pied droit, lorsque tu rentres tu mets ton pied gauche en premier, et tu sors, lorsque tu sors tu mets ton pied droit en premier, tu sors avec ton pied droit, tu rentres avec ton pied gauche, parce que c'est un endroit impur. Le cheikh il dit par la suite: et tu dis lorsque tu sors, Rufranak. Ça c'est rapporté dans un hadith authentique. Et le cheikh il dit ensuite: يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني ذلك لأن اليمنى تستعمل فيما شأنه التكريم والتجميل واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. Donc le cheikh il dit que tu sors et tu dis Rufranak, c'est-à-dire je cherche ton pardon, c'est-à-dire tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala son pardon, et tu dis louange à celui qui a fait sortir de moi tout mal et qui m'a épargné de toutes choses qui sont mauvaises ou nuisibles pour moi. Mais cette partie-là, cette partie du dua, elle est daïf. Cheikh Al-Albani l'a déclaré comme étant daïf dans Irwa Al-Ghalil, le hadith numéro 53. Donc la partie de dire par exemple Alhamdulillah illazi adhaba anni al-adha wa afani, ça c'est daïf, on ne doit pas le dire, d'accord. Donc si vous voyez dans un livre quelconque qu'on dit de réciter cette chose là après être sorti des toilettes, sachez qu'il ne faut pas en tenir compte, parce que c'est basé sur un hadith qui n'est pas authentique. Après le cheikh il dit: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فِي فَضَاءٍ أي في محل غير معد لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس بحيث يكون في مكان خال ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستتبرها حال قضاء الحاجة بل ينحرف عنها. Le cheikh il dit que lorsqu'une personne veut aller remplir ses besoins, c'est-à-dire aller faire ses besoins dans un endroit qui n'a pas été préparé pour ça, c'est-à-dire dans un endroit ouvert, c'est-à-dire dans la nature on va dire, donc c'est recommandé pour lui de s'éloigner des gens. Il faut qu'il s'éloigne le plus possible des gens et qu'il soit dans un endroit qui est vide, et qu'il doit se couvrir ou se cacher des regards par un mur ou par un arbre ou quelque chose de ce genre, yani, pour pas qu'il soit à la vue. D'accord? Et le cheikh, il dit, et il ne doit pas, hein, c'est interdit pour lui, de se tourner vers, en direction de la Qibla ou de mettre son dos vers la Qibla. Donc il doit être dans une position qui est, disons, perpendiculaire à la Qibla. D'accord? Et il ne doit pas être parallèle à la Qibla, mais il doit être dans une position perpendiculaire à la Qibla. Et le cheikh, il dit, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. Donc le cheikh, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de se tourner en direction de la Qibla ou bien d'être de dos à la Qibla lorsqu'on remplit ou lorsqu'on fait nos besoins. Et il a dit que ça a été rapporté selon Abu Ayyub Al-Ansari dans par l'imam Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith muttafaqun alayh, il est authentique. Et après il dit wa alayhi an yataharraza min rashash aw min rashash al-bawl an yusiba badanahu aw thawbahu fayartadu li bawlihi makanan rikhwan hatta la yatatayara bihi alayhi shay'un minhu. Donc le cheikh, il dit que lorsqu'il va remplir ses besoins ou faire ses besoins, il va par exemple uriner, il doit se protéger contre les gouttes d'urine qui pourraient atteindre son corps ou ses vêtements lorsqu'il va uriner. Donc il essaie de trouver un endroit qui est assez grand pour être capable d'uriner sans que rien ne retombe sur lui ou ne revienne sur lui lorsqu'il fait ses besoins. Ensuite, le cheikh dit ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه وذلك وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم. Le cheikh dit qu'il n'est pas permis à quelqu'un de toucher ses parties génitales lorsqu'il va uriner avec sa main droite. D'accord? Et il y a un hadith authentique rapporté à ce sujet-là. Et il dit le cheikh qu'il n'est pas permis également de remplir ses besoins sur les chemins où marchent sur les chemins que les gens empruntent. Hein, les chemins qui sont fréquentés. C'est pas permis d'uriner ou de faire nos besoins, dans ces endroits-là. Ou bien dans les endroits où il y a des ombres. C'est-à-dire l'ombre où les gens vont s'asseoir lorsqu'il fait chaud pour relaxer. Hein. Donc s'il y a un arbre sous lequel les gens vont s'asseoir pour se couvrir du soleil, se cacher du soleil, ou bien par exemple les endroits où les gens vont s'abreuver, on ne doit pas aller à ces endroits-là pour remplir ou pour faire nos besoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça dans plusieurs hadiths. Par exemple, il y a un hadith qui dit « Taqil la'anayn » le hadith qui dit prenez garde des choses qui vont vous faire maudire par les gens. Et les sahabes ont dit Omal la'anani ya Rasulullah. Il a dit c'est quoi ces deux choses là qui sont des causes qu'on va se faire maudire par les gens. Il a dit c'est justement de faire nos besoins dans les chemins, sur les chemins où les gens marchent, ou bien dans les ombres, dans les endroits où les gens s'assoient pour profiter de l'ombre, etc. Donc il y a ça. Et puis après, le cheikh, il dit que la raison pourquoi aussi c'est interdit, c'est parce que c'est nuisible pour les gens. Donc ça, c'est tout à fait compréhensible. Et le cheikh, il dit وَلَا يَدْخُلُ مَوْضِعَ الْخَلَاءِ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ أَوْ فِيهِ قُرْآنٍ فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه. Donc le cheikh, il explique et il dit que il n'est pas permis d'entrer, il n'entre pas dans l'endroit, dans la toilette ou dans l'endroit qui est préparé pour aller faire nos besoins avec quelque chose dans lequel il y a la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala dedans, ou bien le Coran, quelque chose qui a le Coran dedans. Et le cheikh il dit par contre s'il croit ou s'il craint par exemple que la chose, par exemple si c'est un livre, et bien s'il craint que ce livre risque de se faire voler ou quelque chose comme ça, dans ce cas là le cheikh il dit qu'il entre mais il le couvre, il le couvre avec quelque chose pour pas que aucune chose impure l'atteigne. Le cheikh il dit ensuite je m'excuse, le cheikh il dit ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله أن الله يمقت على ذلك ويحرم عليه قراءة القرآن. Le cheikh il dit que il faut pas que la personne qui va faire ses besoins parle lorsqu'il le fait. C'est-à-dire lorsque tu es aux toilettes, tu es en train de faire tes besoins, que ce soit l'urine ou bien les selles, tu ne dois pas parler. Et il dit qu'il y a un hadith rapporté là-dessus, et qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala déteste une chose pareille. C'est un hadith rapporté par Saïd al-Khudri, Abu Saïd al-Khudri, yani selon Abu Saïd al-Khudri, par l'imam Ahmad, Abu Daoud et Ibn Majah. Et ça c'est un hadith qu'il a mentionné, que, dans lequel il dit que Allah déteste une chose pareille. Enfin, il y a un autre hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim selon Ibn Omar qui dit que un homme est passé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, marra rajulun bin nabi sallallahu alayhi wa sallam fa sallama alayhi wa huwa yaboul fa lam yarud alayhi. C'est un hadith qui dit que un homme est passé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a envoyé le salam, il lui a donné le salam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam urinait. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu lorsqu'il urinait. Il lui a répondu uniquement après. Donc, ça montre que on ne doit pas parler durant lorsqu'on est en train d'uriner. Et après, le cheikh il dit qu'il n'est pas permis également de lire le Coran. Il ne faut pas lire le Coran lorsqu'on urine. Ensuite, le cheikh il dit فَإِذَا فَرِغَ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها فإن جمع بينهما فهو أفضل وإن اقتصر على أحدهما كفى والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقى المخرج وينشفه. Donc le cheikh il dit que lorsqu'une personne a terminé de remplir ses besoins, eh ben il doit nettoyer il doit nettoyer la partie ou l'endroit d'où est sortie cette impureté, soit par de l'eau en faisant l'istinja, ce qu'on appelle en arabe istinja, ou bien soit par des pierres, ce qu'on appelle al-istijmar, hein, ou toute autre chose qui peut être utilisée, qui peut remplacer ces deux choses, ces deux choses-là, ou c'est-à-dire qui peut remplacer les pierres en particulier, comme par exemple du papier de toilette comme on utilise aujourd'hui, ou bien un linge ou un tissu ou quelque chose de ce genre, hein, tout ce qui peut nettoyer l'endroit. Donc dans ce cas-là, c'est permis de l'utiliser pour faire ça, excepté si c'est quelque chose qui a une valeur, dans le sens que ça a une valeur, ou bien comme par exemple quelque chose qui, sur lequel il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là ce serait pas permis. Donc le cheikh il dit que si on utilise les deux, c'est-à-dire l'eau et les pierres, ou l'eau et le papier, ou l'eau et toute autre chose, dans ce cas-là c'est meilleur, c'est-à-dire les deux ensemble c'est mieux. Toutefois, si on utilise un seul des deux, c'est-à-dire seulement le papier, ou seulement les pierres, ou seulement l'eau, eh bien, c'est permis aussi, c'est suffisant. Pas besoin, c'est pas nécessaire qu'on utilise absolument les deux ensemble. Et le cheikh, il dit que les stijmar, ça fait d'utiliser les pierres, c'est ça ce qu'il faut faire, ou bien toute autre chose qui peut remplacer les pierres, comme il donne comme exemple un genre de papier rude ou un papier comme aussi le papier de toilette qu'on utilise, ou bien par exemple un tissu, un morceau de tissu ou quelque chose comme ça, tout ce qui pourrait enlever de l'endroit d'où est sorti les impuretés, comme les excréments, etc., donc, et l'urine. Donc tout ça, c'est permis de l'utiliser pour enlever ces impuretés-là. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Si tu as utilisé l'eau, tu utilises un linge pour assécher l'endroit ou enlever l'eau avec le tissu. Hein. Et, comment je pourrais dire ici? Il y a une chose par contre qu'il faut mentionner d'après moi, parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ont posé cette question dernièrement, et puis ce serait important de clarifier. Ça a rapport avec qu'est-ce qui se passe chez certaines personnes après avoir uriné. Ils trouvent que parfois il y a quelque chose qui reste et ils ont peur que ça sorte. Alors, ils ont toutes sortes de méthodes qu'ils utilisent pour essayer de d'éviter que ces choses-là retombent après avoir fini de se purifier. Puis, parmi ces choses-là, il y a des choses, ça fait uniquement partie du wiswas, du shaitan. C'est-à-dire, c'est le shaitan qui leur souffle ces doutes-là dans leur cœur pour, qu'ils perdent leur temps. Et qu'il pour leur rendre l'ida la plus difficile. Donc, il y a un chapitre dans le livre de Iratatul Lahfan, Min Masayid al-Shaytan, de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle Faslun Min Zalika Ma Yaf'aluhu Kathirun Minhum Ba'd al-Bawl. C'est-à-dire, qu'est-ce que beaucoup de gens font après avoir uriné. Et il donne des exemples de qu'est-ce que les gens font après avoir uriné, qui ne font pas partie de la sunna et qui sont en réalité des formes de bid'a que des gens doivent éviter. Et il en mentionne 10 choses. Hein, il dit وَمِنْ هَذَا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُوَسْوِسِينَ بَعْدَ الْبَوْلَ وَهُوَ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ السَّلْتِ وَالنَّتْرِ وَالنَّحْنَحَ وَالْمَشِي وَالْقَبْزِ والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة. Donc ça c'est 10 choses et on va les expliquer une par une. Le cheikh il mentionne comme première chose السلت يسلته من أصله إلى رأسه على أنه قد روي في ذلك حديث غريب لا يثبت في المسند وفي سنن ابن ماجة عن عيسى بن داود عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات. نعم. Donc le cheikh dit que la première chose c'est as-salt. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que une personne prend sa partie génitale et il c'est comme si il la presse de la base jusqu'en haut pour essayer de faire évacuer ou sortir un peu d'urine s'il y aurait un reste. Et il dit que ça a été rapporté dans un hadith qui n'est pas authentique. Le hadith est daif et même l'imam Sheikh Al-Albani il l'a mentionné parmi les hadiths daif dans Silsilat al-Hadith al-Da'ifa wa Da'if al-Jami'. Silsilat al-Hadith al-Da'ifa c'est le hadith 1621 et Da'if al-Jami' c'est le hadith 413. Donc c'est un hadith qui est rapporté selon Isa ibn Daoud, selon son père, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si un homme ou si quelqu'un d'entre vous a uriné alors qu'il frotte son pénis ou bien son organe génital 3 fois. Hein? Et le cheikh il dit وقال جابر بن زيد إذا بلت فامسح أسفل ذكرك فإنه يقطع ينقطع. نعم. رواه عنه سعيد أو روى سعيد عنه. Donc il dit aussi que Jabir ibn Zayd a dit: lorsque tu urines, alors frotte la partie inférieure de ton organe génital jusqu'à pour que ça coupe l'urine. Et le cheikh il dit قالوا لأن بالسلت والنتر يستخرج ما يخشى عوده بعد الاستنجاء. Il dit parce que il en faisant ça, certains ont dit que il pouvait faire sortir ce qu'il craignait que ça pouvait tomber après ou sortir après avoir fait après s'être nettoyé avec de l'eau. وقالوا وإن احتاج إلى مشي خطوات ولذلك ففعل فقد أحس. Donc, ils disent également, certains disent que s'il a besoin de faire quelques pas également, alors il peut le faire. Et après, ils mentionnent une autre chose que les gens font, c'est an-nahnaha, liyastakhrij al-fadla. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ça, an-nahnaha? C'est des gens qui toussent, hein, ils vont se faire comme... pour essayer de faire sortir la goutte qui n'est pas encore sortie, hein. Ou bien il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Comme le cheikh mentionne, il dit al-qabz yartafi'u 'ala al-ard shay'an thumma yajlisu bi sur'ah. C'est-à-dire, ça c'est il saute sur place, hein, et il s'assoit rapidement. Il saute puis il s'assoit rapidement pour essayer de faire sortir s'il y a quelque chose. Après il y a un autre exemple qu'il mentionne, c'est al-habl, c'est-à-dire yattakhidhu ba'dhum hablan yata'allaqu bihi hatta yakadu yartafi'. Certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tirent avec une corde dans les airs, et puis jusqu'à ce qu'ils commencent à se soulever un petit peu, et puis là, ils se laissent descendre, et puis jusqu'à ce qu'ils s'assoient. Ça, c'est une autre chose que certaines personnes font également lorsqu'ils ont terminé d'uriner. Un autre exemple, c'est At-Tafaqqud. Cheikh il dit, يَمْسِكُ الذَّكَرُ ثُمَّ يَنْظُرُ فِي الْمَخْرَجِ هَلْ بَقِيَ فِيهِ شَيْءٌ أَمْ لَا. Il dit, certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? C'est at-tafaqqud. C'est-à-dire, il tient son organe génital et puis il regarde dans l'ouverture au bout pour voir est-ce qu'il reste quelque chose à l'intérieur ou non, comme de l'urine ou quelque chose comme ça. Après, il dit, wal wujur, yamsikuhu thumma yaftahu thuqub wa yasubu fihi al-ma. Qu'est-ce que ça veut dire, al wujur? Certains font ça, c'est ils tiennent l'entrée de leur organe génital et puis ils ouvrent le bout un peu, puis ils mettent de l'eau dedans. Hein, ils mettent de l'eau. Hein, Allah musta'an. Après, il dit wal hashu an yakuna ma'ahu mil wa qatl. Wa yashwihi به كما يشوي الدم بعد فتحها. Donc qu'est-ce qu'ils font? Certains, ils prennent une tige avec un coton au bout, hein, on appelle ça les cotons-tiges, hein, on appelle ça ici des Q-tips, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, sûrement des cotons-tiges, c'est ça, ils utilisent ça, ils prennent ça, le coton-tige, puis ils le rentrent là pour enlever le surplus de d'urine s'il en reste selon eux. Donc il y a un autre exemple aussi, qu'est-ce qu'ils font? C'est al-isaba. Et al-isaba, c'est quoi? C'est d'entourer ses parties génitales avec un morceau de tissu ou un morceau de papier. Wa daraja yas'udu fi sullam qalilan thumma yanzilu bi sur'a wal mashi yamshi khatawat thumma yu'idu al-istijmar. Donc, une autre affaire qu'ils font, c'est ad-daraja, c'est-à-dire, ils montent l'escalier rapidement, ou une échelle, et puis ils descendent rapidement. Ou bien, al-mashi, c'est quoi? C'est, par exemple, de faire quelques pas après avoir uriné. Et également, yani, donc c'est ça, al-mashi, et puis il dit, tu fais quelques pas, puis après tu refais l'istijmar, c'est-à-dire, tu prends une pierre, puis tu t'essuies avec encore une fois. Ou bien du papier. Ensuite, Cheikh Ibn Qayyim, l'imam Ibn Qayyim, il dit que notre Cheikh Ibn Taymiyyah a dit ذَلِكَ كُلُّهُ وِسْوَاسٌ وَبِدْعَةٌ. Ibn Taymiyyah a dit toutes ces choses-là sont toutes du wiswas et bid'ah. C'est-à-dire, ça fait toute partie des choses que le shaitan a mis dans la tête des gens et c'est une bid'ah, c'est des innovations. فَرَاجَعْتُ فِي السَّلْتِ وَالنَّتْرِ فَلَمْ يَرَهُ. فَرَاجَعْتُهُ فِي السَّلْتِ وَالنَّتْرِ فَلَمْ يَرَهُ. dit, je lui ai demandé pour, au sujet de As-Sadd et An-Nadr, les deux premiers qu'on a mentionnés, et il a dit non, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire pour presser la partie génitale de haut en bas, de bas en haut, pour faire sortir une goutte ou quelque chose comme ça. Il dit on ne doit pas faire ça. Et قال لم يصح الحديث. Il dit le hadith n'est pas authentique. وقال والبول كلبا في الدر إن تركته قر وإن حلبته در. C'est ça. Il dit que l'urine, c'est comme un peu comme le lait dans le trayon. Si tu le laisses, il va rester. Et si tu le fais sortir, tu le presses ou tu le tires, il va sortir. Il va yani, c'est ça. Donc après il dit ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عفي منه من لها عنه. Donc il dit celui qui prend l'habitude de faire ça, ben c'est comme si disons que c'est une épreuve qui lui est tombée dessus yani, à cause du fait qu'il a pris l'habitude de faire ça, et ça c'est quelque chose de mauvais yani, et il y en a d'autres qui ont été épargnés de ça parce que justement ils n'ont pas pris l'habitude de le faire. قال ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد قال اليهودي لسلمان لقد علمكم نبيكم كل لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. قال أجل فأين نعم. Donc le cheikh il dit si c'était une sunna, la meilleure personne qui aurait dû le faire c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi que ses sahaba, mais on voit que le juif a dit à Salman al-Farisi radiallahu anhu, votre prophète vous a tout enseigné, même comment aller faire vos besoins. Et Salman a répondu, il a dit certes, c'est ça, c'est vrai, il nous a tout enseigné, même al-Khara. Hein? Donc fa'ayna 'allamana nabiyuna dhalika aw shay'in minhu, où est-ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des choses pareilles? Hein? بلى علم المستحاضة أن تلتجم أن تتلجم وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ ويشد عليه خرقة. Donc le cheikh il dit que certes il y a eu l'exemple de la femme qui avait l'istihada, c'est-à-dire une femme qui avait constamment des écoulements de sang, hein, même après ses règles. Donc, il lui a enseigné de mettre un tissu ou un morceau de tissu dans à l'endroit où le sang sortait, pour empêcher que le sang touche à ses vêtements. Et puis, par la suite, les ulama ont fait un qiyas entre ça et la personne qui a une incontinence, dans le sens là, une personne qui souffre d'incontinence. Il peut plus se retenir lorsqu'il a envie d'uriner. Donc, les ulama ont fait le qiyas entre ça et l'autre, et ils ont dit que la personne qui souffre d'incontinence, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un morceau de tissu, et puis il le met entre ses vêtements et ses parties génitales, pour empêcher que l'urine atteigne ses vêtements. Et yani aujourd'hui, il y a des sortes de couches qu'on vend pour les personnes qui ont l'incontinence, et ça, si quelqu'un porte ça, ça va empêcher, ça va le protéger complètement contre l'urine qui va tomber sur ses vêtements. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le reste qui peut rester à l'intérieur des parties génitales après avoir uriné, c'est une petite goutte, c'est rien du tout. Et cette quantité-là, souvent elle ne sort même pas, c'est seulement dans la tête des gens, ils s'imaginent que ça va sortir. Et il y a une grande différence entre ça et l'incontinence. D'accord, l'incontinence c'est quelqu'un, il peut même pas contrôler son urine du tout, hein, ça sort malgré lui. Donc il faut faire la différence entre ces deux choses-là. Et puis aussi il faut savoir que si c'est une goutte infime, etc., et que yani, donc c'est souvent ces choses-là, si c'est une petite quantité qui va sortir par la suite, il faut pas s'en faire pour ça, parce que c'est pas comme quelque chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va nous tenir compte. Et donc ça c'est important de comprendre, parce qu'il y a des gens qui ont eu ce problème là et j'ai eu récemment beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question, et surtout pour des personnes converties, allez, j'ai remarqué que ça leur causait beaucoup de tracas et de soucis. Donc je pense que après avoir expliqué ça, c'est important je pense que ça devient plus clair. Donc il faut éviter les ouswas du shaitan, parce qu'il veut souvent, il veut juste nous rendre la vie plus difficile et nous compliquer l'adoration. Il y a des gens qui manquent la prière à cause de ça, hein? Il y en a qui parfois retardent leur ablution de 10 minutes pour attendre qu'une goutte coule ou qu'une goutte sorte pour pouvoir par la suite aller faire leur wudu et faire la prière. Donc souvent ils manquent la salat à cause de ça. Donc ça c'est important. Et pour continuer là où on était rendu, le cheikh il dit wa yashtaritu masahat thalath masahat muqniyat fa akthar idha arad az-ziyada. Donc le cheikh il dit que c'est une condition qu'on prenne minimum 3 pierres et qu'on essuie 3 fois c'est l'endroit d'où est sortie l'impureté, et on peut augmenter, c'est-à-dire on peut prendre plus que 3 si c'est nécessaire, jusqu'à ce que l'endroit soit purifié complètement et qu'il ne reste plus rien. Le cheikh il dit wa la yajuz al-istijmar bil 'idham wa raji' ad-dawab ay rawsaha لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. Le cheikh il dit il n'est pas permis d'utiliser comme chose pour s'essuyer des morceaux d'os ou bien des crottes d'animaux séchées, parce que le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit une telle chose. C'est rapporté par Muslim et c'est selon Salman et Jabir, hein? Ça c'est donc un hadith authentique. Il y a aussi un hadith qui explique que ce sont la nourriture des djinns. Et il y a une autre chose. Après le chef, il explique ensuite, il dit wa alayhi an yuzila athar al kharij wa yanshifahu li'an la yabqa shay'un min an najasati 'an jasadihi ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه. Donc le cheikh il dit que il faut enlever complètement la trace de qu'est-ce qui est sorti, et il faut la sécher pour pas que des impuretés najasa pour pas qu'une najasa reste sur notre corps, parce que s'il reste une najasa sur notre corps, eh bien dans ce cas-là, notre prière ne sera pas acceptée, même si on fait le wudu. Et le cheikh dit également pour pas que cette impureté-là pour pas qu'on la répande un peu partout à d'autres endroits de notre corps ou sur nos vêtements. Parce que s'il reste des traces d'impureté sur nous, bien entendu, ça va se répandre à côté et sur nos vêtements. Et puis dans ce cas-là, donc ça va devenir encore plus compliqué pour le purifier. Le cheikh il dit وقال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ويتوضأ حديث. Donc le cheikh il dit que certains parmi les ulama, parmi les fuqaha, ont dit que l'istinja et l'istijmar, c'est une condition parmi les conditions de l'acceptation du wudu, pour que le wudu soit valable. Et on ne peut pas précéder le wudu avant l'istinja ou l'istijmar. Et si quelqu'un, par exemple, faisait le wudu avant d'avoir nettoyé ses parties, après avoir fait ses besoins, son wudu ne serait pas accepté. Selon le hadith de Miqdad, Al-Miqdad, qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, qui dit yaghsilu dhakarahu, c'est-à-dire il nettoie son, cette partie génitale et il fait son wudu par la suite. Et ça, bien entendu, c'est lorsqu'il y a une impureté qui sort de nous, hein, soit comme par exemple de l'urine ou des excréments dans ce cas-là, ou bien al-mazi, al-mazi, oui. C'est le liquide spermatique qui sort avant les, avant, par, à cause d'une excitation ou des choses comme ça, avant les rapports sexuels. C'est pas le sperme, c'est une autre matière plus liquide et plus transparente qui sort auparavant sans même qu'on s'en aperçoive parfois. Donc ça aussi, on doit le nettoyer lorsque ça sort. Et après, on doit faire son wudu. Hein. Donc, le cheikh, il dit que on doit faire l'istinja, c'est-à-dire avec de se laver avec de l'eau ou bien avec une pierre ou un tissu ou quelque chose comme ça avant de pouvoir faire notre wudu. Et le cheikh il dit par la suite wa qala an-nawawi wa sunnatu an yastanjiya qabla al-wudu li yakhruja min al-khilaf wa ya'manu intiqad tuhrihi. Donc le cheikh il dit que l'imam an-nawawi a dit et la sunna, c'est qu'il fasse l'istinja avant son wudu et qu'il sorte du désaccord, c'est-à-dire s'il y a un désaccord d'opinion à ce sujet-là, pour éviter le désaccord complètement, eh bien tu fais ton wudu, tu fais ton istinja auparavant, tu te nettoies auparavant et tu fais ton wudu par la suite pour être certain que ta pureté va pas être annulée par une impureté. D'accord. Et le cheikh il dit ensuite أيها المسلم احرص على النثر من البول فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وقال الحافظ نعم ابن حجر العسقلاني نعم إلى دي صحيح الإسناد وله شواهد وأصله في الصحيحين. Donc c'est un hadith rapporté par l'imam al-Darqutni selon Ibn Abbas et il dit que ça, à la base il est dans al-Bukhari et Muslim, donc il est authentique. Et le cheikh il dit ô musulmans, il faut faire attention contre l'urine. Il faut faire attention contre l'urine et il faut faire attention justement d'éviter que des gouttes d'urine tombent sur tes vêtements, parce que c'est une des plus importantes causes du châtiment de la tombe, comme c'est rapporté dans un hadith selon Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit protégez-vous contre l'urine, car la plupart des gens qui sont châtiés dans leur tombe sont châtiés à cause des gouttes de leur urine qui ils ne se sont pas protégés contre l'urine quand ils urinaient. Donc ça c'est rapporté par l'imam Ad-Darqutni et Al-Hafiz ibn Hajar il a dit que ce hadith là il a une isnad authentique et il a des témoins, c'est-à-dire ce hadith-là, il y a d'autres hadiths qui sont rapportés, qui témoignent de son authenticité, et à la base, il est dans As-Sahihayn, hein, il est dans Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, il dit, أيها المسلم, إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعيتها أو بمشروعاتها. Donc le chef il dit que toi le musulman, sache que de compléter notre purification, et bien ça facilite l'application des adorations et ça aide à compléter et à les faire d'une façon plus parfaite. Le cheikh il mentionne un hadith rapporté par l'imam Ahmed qui dit selon des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de subh avec eux, et il a récité la sourate Ar-Rum. Et avant de s'en aller, avant de terminer, de quitter la mosquée, ou de s'en aller après la prière, il a dit « Innahu yulabbisu alayna al-Qur'an an aqwaman minkum yusalluna ma'ana ولا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. Donc le cheikh dit que le hadith dit que ça cause de l'embrouille, hein, ou ça nous dérange dans le Coran du fait que certains parmi vous n'ont pas complété leur purification ou leur wudu comme il faut. Alors lorsque vous priez avec nous, complétez votre purification. Ça c'est rapporté par l'imam Ahmed, excepté que j'ai pas pu vérifier la densité, mais j'aurai peut-être l'occasion de vérifier encore pour savoir s'il est authentique ou non. Ensuite le cheikh dit وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ولما سئل عن صفة هذا التطهر قالوا إنا نتبع الحجارة الماء رواه البزار. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Ibn Majah sans la mention de la pierre, et qui est rapporté également dans Nasb al-Raya, et c'est rapporté également par Al-Bazzar, et il a des témoignages également dans d'autres hadiths authentiques comme le hadith de l'imam Abu Daoud, c'est le hadith 45 dans Irwa al-Ghalil, il a été déclaré sahih par l'imam al-Albani. Donc il y a beaucoup de témoins qui mentionnent cette histoire-là, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset dans le Coran, c'est le verset 108 de surat Tawba, il a glorifié les gens de la mosquée de Quba, une mosquée qui était sur le chemin de Al-Madinah. Donc c'est la première mosquée qui a été construite, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le hijra, il s'est arrêté à Quba et il a établi l'endroit pour faire cette mosquée. Ça c'est mosquée Quba, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit فيه رجال يحبون أن يتطهروا, il y a en cette mosquée là des hommes qui aiment se purifier, et Allah aime certes ceux qui se purifient constamment. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé comment ils se purifiaient, ils ont dit lorsque nous avons terminé d'utiliser la pierre, les pierres, nous utilisons de l'eau pour nous purifier. Donc ça montre que c'est une chose qui est bien de faire les deux, de faire suivre le papier de toilette ou bien le papier hygiénique ou bien les pierres si on n'a pas de papier, avec de l'eau par la suite, c'est plus certain de nous purifier comme il faut. Et le cheikh il dit par la suite وَهُنَا أَمْرٌ يَجِبُ التَّنَبُّهُ أَوْ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ الْعَوَامِ يَظُنُّ أَنَّ الْاسْتِنْجَى مِنَ الْوُضُوءِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ يَظُنُّ أَنَّ الْاسْتِنْجَى مِنَ الْوُضُوءِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بَدَأَ بِالْاسْتِنْجَى ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة وهذا خطأ لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من شروطه كما سبق ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. Donc le cheikh il dit, il y a une chose qu'on doit mentionner, il dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas vraiment, qui connaissent pas vraiment grand chose dans l'islam, qui sont des gens ordinaires, et ils croient que de faire l'istinja ça fait partie du wudu. Donc lorsqu'il va faire son wudu, avant de le faire, il fait l'istinja, il se lave avec de l'eau ses parties génitales, et même s'il l'avait déjà fait auparavant, après avoir fait ses besoins, il dit ça c'est une erreur. Et tout à l'heure, j'ai mentionné, lorsque le cheikh avait parlé est-ce qu'il faut faire l'istinja avant de faire est-ce que c'est une condition pour que notre wudu soit valable, j'ai mentionné que c'est pour les choses qui sont, lorsqu'on a quelque chose d'impur qui est sorti, comme des excréments, ou de l'urine, ou bien al-mazi, hein, comme j'ai mentionné. Mais il faut faire, pourquoi j'ai mentionné ça? Parce qu'il y a des choses qui peuvent sortir de nous, qui vont pas nécessiter qu'on fasse le stinja. Comme par exemple, qu'est-ce que des ulama ont mentionné? Comme par exemple, lorsqu'on a un gaz. On n'a pas besoin de faire le stinja après avoir eu un gaz. On a seulement besoin de faire le wudu seulement. C'est pas nécessaire de faire le stinja, excepté si, avec le gaz, il y a eu la sortie de quelque chose d'autre. Dans ce cas-là, ok, mais sinon, en temps normal, un gaz ordinaire, c'est pas nécessaire de faire le stinja. Mais ici, ce que le cheikh explique, ici, c'est autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'il y a des gens, ils ont déjà fait, lorsqu'ils ont fait leurs besoins, ils ont déjà fait le stinja, ils se sont déjà nettoyés, lavés et tout. Puis là, on va dire comme une heure après, quand ils vont aller pour faire la salat, ils vont faire l'oudou. Avant de faire l'oudou, ils vont retourner faire l'estinja encore une fois. Et comme si ça faisait partie du wudu. Et le cheikh, il dit non, ça c'est une erreur. Ça fait pas partie du wudu et c'est seulement parmi les conditions, comme on a déjà expliqué ça. Et on le fait, l'estinja, uniquement lorsqu'on a terminé de faire nos besoins. Et non pas, on doit pas le répéter par la suite. Sans qu'il y ait une nécessité ou quelque chose qui est venu faire en sorte qu'on doit le refaire, comme par exemple d'être allé aux toilettes ou des choses de ce genre. Donc le cheikh, il dit, pour terminer ce chapitre, il dit أيها المسلم هذا ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة أتى بأحسن الأداب وأكرم الأخلاق واستوعب كل ما يحتاجه المسلم وكلما يصلحه ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا ولله الحمد والمنة ونسأله الثبات على هذا الدين والتبصر في أحكامه والعمل بشرائعه مع الإخلاص لله في ذلك حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا. Donc le cheikh, il dit que cette religion nous a enseigné la pureté et nous a montré la propreté et toutes les bonnes manières et les nobles caractères qu'on doit adopter. Et il y a dans cette religion tout ce qu'on a besoin dans la vie, pour la vie d'un musulman, et tout ce qui est bon pour lui, pour corriger et arranger toutes ses affaires dans sa vie. Et il n'y a rien qui a été négligé parmi les bienfaits de la vie, hein. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça et on lui demande de nous donner la fermeté dans sa religion et la compréhension de ses règles et d'appliquer les règles de sa charia, et on lui demande la sincérité dans qu'est-ce qu'on fait pour que nos actions soient correctes et acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh, il commence à expliquer un autre chapitre qui est Bab Siwak, hein, Bab fi siwak wa khisal al fitra, c'est-à-dire un chapitre au sujet du siwak et des règles de la fitra, des choses qui ont rapport avec al fitra. Le cheikh dit rawat al mu'minina Aisha radiyallahu anha anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al siwak mutahhiratun aw matharatun lil fam مرضاتٌ للرب رواه أحمد وغيره. Donc Aïcha radiyallahu anha, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le siwak est une chose qui purifie la bouche et qui est un agrément pour ton Seigneur. Et c'est un hadith qui est rapporté selon Ahmad wa Nasa'i et Ibn Majah, et également il a été rapporté par l'imam Ahmad. Et l'imam al-Bukhari, il l'a rapporté mu'allaqan majzuman bihi. Il l'a rapporté mu'allaqan majzuman bihi. C'est-à-dire, il l'a pas rapporté avec une isnad, mais il l'a rapporté dans les titres des chapitres qu'il a mentionnés, en confirmant, yani, qu'il était, yani, majzuman bihi. C'est comme s'il a il l'a mentionné d'une façon qui était certaine. Donc, la plupart des mu'allaqat de l'imam al-Bukhari sont authentiques. Et il y a des ulama qui les ont rapportés avec l'isnad dans d'autres livres pour les authentifier. Donc, alhamdulillah. Et ce hadith, il a été également authentifié par l'imam al-Sheikh al-Albani dans Irwa al-Ghalil, et c'est le hadith numéro 66. Après, le Cheikh dit: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونطف الإبط وتقليم الأظفار. Donc le Cheikh il mentionne le hadith qui est rapporté dans le Bukhari Muslim selon Abi Huraira رضي الله عنه, il a dit: وعليكم السلام ورحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que la fitra consiste en cinq choses: al-khitan, c'est-à-dire la circoncision; al-istihdad, c'est-à-dire de raser les parties génitales; qassu al-sharib, c'est-à-dire de couper la moustache; natfu al-ibt, c'est-à-dire d'enlever les poils sous les aisselles; wa taqlim al-adfar, c'est-à-dire de couper les ongles. Et le Cheikh il mentionne également, et ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc il est authentique. Et le Cheikh dit: وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا أعفو الشوارب وأعفو اللحى. Ça c'est un hadith également rapporté par Al-Bukhari. Et le terme qui est mentionné dans la version de Al-Bukhari, c'est Anhikou Shawarib. Et il est rapporté également par l'imam Muslim. Okay? Donc c'est authentique. Et c'est selon Ibn Omar. Ça veut dire baisser les moustaches et laisser la barbe. Laisser la barbe. Donc on voit dans ça qu'il y a l'obligation de laisser pousser la barbe. Ensuite, le Cheikh il dit: ومن هذه الأحاديث ما جاء بمعناها وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية: مشروعية السواك, وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة, وليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. شيخ الزيك. Parmi les hadiths qu'on a mentionnés, et il y a beaucoup d'autres hadiths également, les ulama ont extrait les règles suivantes. Le Cheikh il dit: mashru'iyat as-siwak. Premièrement, on a extrait le verdict que il est permis, légiféré dans l'islam d'utiliser le miswak. Et c'est-à-dire qu'on utilise un morceau de bois ou quelque chose de ce genre dans le but de purifier ou de nettoyer les dents et les gencives, pour faire sortir ou pour retirer tout ce qui aurait pu être accroché dans les dents, ou bien enlever le jaune là qu'on a sur les dents, comme le Cheikh mentionne, soufratin, ou bien enlever l'odeur également, parce que parfois on sait qu'il y a une mauvaise odeur qui peut rester dans notre bouche. Donc c'est bon d'utiliser le miswak pour se purifier avec. Et le Cheikh il mentionne, il dit: وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ وَأَوَّلُ مَنْ اسْتَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَدْ بَيَّنَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمْ أي مُنَظِّفٌ لَهُ مِمَّا يُسْتَكْرَهُ وَأَنَّهُ مَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ أي يرضي الرب تبارك وتعالى. Donc le Cheikh il dit que il a été mentionné ou rapporté que ça fait partie des traditions des messagers, et le Cheikh ils ont dit que ça a été rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi. Et le hadith qu'il mentionne, le hadith en question, c'est أربعون من سنن المرسلين. Et il y a mention dans ça du siwak, de al-haya, et il y en a d'autres choses parmi les choses qui sont mentionnées, excepté que c'est un hadith da'if, Et Cheikh Al-Albani, il mentionne parmi les hadiths daïfs dans Al-Irwa, et c'est le hadith numéro 75. Hein, donc, on ne peut pas utiliser ça comme preuve que ça fait partie des Sunan al-Mursalin, excepté que le siwak, il a été mentionné dans d'autres hadiths authentiques. Donc, dans ce cas-là, yani, c'est sûr que ça fait partie de la fitra de l'utiliser également. Et yani, le hadith qu'il a mentionné, le cheikh ici, ça dit que les choses de la fitra sont cinq. Toutefois, il y a d'autres versions de ce hadith qui sont également authentiques, qui en mentionnent plus que cinq. Donc ça c'est une chose à mentionner. Ensuite le cheikh il dit que même le premier à avoir utilisé le miswak c'était Ibrahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans le hadith que ça purifie la bouche, c'est-à-dire ça nettoie la bouche de tout ce qui est détestable, et que c'est une chose qui est un agrément pour ton Seigneur. Et le cheikh il dit que ça fait plaisir à ton Seigneur, donc ça le satisfait. وقد ورد في بيانه الحث عليه أكثر من 100 حديث. Donc le cheikh il dit que on a rapporté au sujet du fait d'inciter à utiliser le miswak et de l'explication qui a rapport avec le miswak plus d'une centaine de hadiths. مما يدل على أنه سنة مؤكدة. Ça prouve que ça fait partie d'une sunna qui a été confirmée et qui est ferme parmi les sunnans. حَثَّ الشَّارِعُ عَلَيْهِ. Et le législateur a incité à l'utiliser, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. وَرَغَّبَ فِيهِ وَلَهُ فَوَائِدٌ عَظِيمَةٌ مِنْ أَعْظَمِهَا وَأَجْمَعِهَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ السِّوَاكُ مُطْهِرَةٌ لِلْفَمْ مُمَرْضَاتٌ لِلْرَبِّ. Donc le cheikh il dit que elle a beaucoup de bienfaits, hein, et parmi ses plus grands bienfaits c'est ce qui a été mentionné dans le hadith en question qu'on a mentionné tout à l'heure, que ça nettoie la bouche et que ça fait plaisir à ton Seigneur, ça satisfait ton Seigneur. Et le cheikh il dit ensuite يَكُونُ التَّسَوُّكُ بِعُودٍ لَيِّنٍ مِنْ أَرَاكٍ أَوْ زَيْتُونٍ أَوْ عُرْجُونٍ أو غير ذلك مما لا يفتت أو يفتت يتفتت ولا يجرح الفم. Le cheikh il dit quoi? Il dit que on peut utiliser comme miswak ou comme chose qu'on utilise pour se nettoyer la bouche. On peut utiliser un morceau de bois ou bien un morceau de harak. Hein, c'est une sorte de racine d'arbre. Ou bien également des branches d'olivier, ou bien tout autre morceau qu'on peut utiliser qui ne fait pas mal à la bouche, qui ne fait pas des blessures dans la bouche, c'est très important. Et il faut que ce soit quelque chose de doux, pas quelque chose de trop raide. Ensuite, le cheikh il dit wa yusannu siwaku fi jami' al-awqat. C'est une sunna d'utiliser le siwak à tout moment. حتى للصائم في جميع اليوم. Même pour la personne qui jeûne, il peut l'utiliser toute la journée. على الصحيح. Selon l'opinion qui est correcte. ويتأكد في أوقات مخصوصة. فيتأكد عند الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. Donc le cheikh il dit que c'est une sunna à tout moment dans la journée, excepté qu'il y a des périodes de la journée ou des moments de la journée plus spécifiques dans lesquels c'est plus conseillé ou plus on incite plus sur le fait qu'on doit l'utiliser. Et parmi ces moments-là, il y a après le wudu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si je ne craignais pas de rendre les choses trop difficiles pour ma umma, je leur aurais ordonné de faire le siwak ou d'utiliser le siwak après chaque wudu, après chaque purification de wudu. Donc ça c'est un hadith rapporté par Ahmad et d'autres, et également il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais c'est un hadith authentique donc. Et le cheikh dit fal hadith où yadullu ala الحديث يدل على تأكد تأكد استحباب السواك عند الوضوء ويكون ذلك حال المضمضة لأن ذلك أبلغ في الإنقاذ وتنظيف الفم ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلا لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة وإظهارا لشرف العبادة. Donc le chef il dit que le hadith prouve que c'est certain qu'il est recommandé d'utiliser le miswak lors du wudu et il dit que le mieux c'est de le faire durant le madmada, c'est-à-dire quand on disons fait circuler l'eau dans notre bouche et qu'on le crache. Et à ce moment-là, c'est mieux parce que, étant donné qu'on nettoie la bouche avec l'eau, par la suite, on peut nettoyer mieux la bouche avec le miswak à ce moment-là. Et il dit que c'est plus recommandé également d'utiliser le miswak dans la journée avant de prier. Aydan inda salat, que ce soit une salat obligatoire ou recommandée, naflan. Parce que nous sommes ordonnés ou commandés par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on se rapproche à lui, d'être dans la meilleure et dans la plus parfaite et la propreté, yani, donc dans la meilleure état possible. Et ça, c'est également pour faire montrer ou pour faire paraître l'importance et la noblesse qu'on donne à l'adoration. لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. Donc le cheikh il dit également que parmi les choses qui sont certaines qu'il faut yani, utiliser le miswak parmi les moments les plus spécifiques, c'est lorsqu'on se réveille, qu'on a dormi soit durant la journée ou durant la nuit. Et ça a été rapporté dans un hadith authentique. Et Cheikh Al-Albani le mentionne parmi les hadiths authentiques dans Irwa Al-Ghalil, le hadith numéro 71. Il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait, le hadith dit que lorsqu'il se levait la nuit, de la nuit, il se levait après avoir dormi la nuit, il frottait ou il nettoyait sa langue ou sa bouche avec le miswak, avec le siwak. Le Cheikh dit Washaus الدلك الدلك c'est-à-dire frotter, donc il frottait avec le miswak lorsqu'il se réveillait d'un sommeil lorsqu'il avait dormi la nuit. وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم وتصاعد أبخرة المعدة والسواك في هذه الحال ينظف الفم من آثارها ويتأكد السواك أيضا عند تغير عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره ويتأكد أيضا عند قراءة القرآن لتنظيف الفم وتطيبه لتلاوة كلام الله عز وجل. Donc le cheikh dit que donc on doit frotter avec le miswak lorsqu'on se réveille, et ça c'est parce que lorsqu'on dort ça fait changer l'odeur de notre bouche. Et il y a beaucoup des vapeurs l'estomac qui remontent, hein, des vapeurs de l'estomac qui remontent durant la nuit, donc ça donne une odeur mauvaise, parfois une mauvaise haleine. Donc on utilise le siwak dans ces moments-là pour nettoyer la bouche et pour enlever toutes ces traces ou ces effets de mauvaise haleine. Et le cheikh dit que également parmi les moments où il est plus recommandé d'utiliser le siwak lorsque après avoir mangé par exemple, lorsque la bouche l'odeur de notre bouche change à cause de la nourriture ou d'autres choses de ce genre, et également lorsqu'on veut réciter le Coran, c'est bon également de purifier notre bouche pour pouvoir réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de bien. Et le cheikh il dit صفة التسوك أن يمر المسواك على لثته وأسنانه فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر ويمسك المسواك بيده اليسرى. Le cheikh il dit que parmi la façon dont qu'on doit utiliser le miswak, c'est de passer le miswak sur nos gencives et sur nos dents. Et également le professeur sallam, j'ajoute que il l'utilise également sur sa langue également pour enlever l'odeur qui peut rester des fois dans la langue. Et donc il le passe sur ses gencives et sur ses dents, et il commence du côté droit vers le côté gauche. Non. Et le cheikh, il dit qu'il le fait avec sa main gauche. Après, il dit وَمِنَ الْمَزَايَا أَلَّتِي جَاءَ بِهَا دِينُنَا الْحَنِيفِ يعني خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث وسميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه واتفقت عليها الشرائع وهذه الخصال هي. Donc là il dit le cheikh maintenant que parmi les choses qui sont particulières à notre religion, à notre noble religion, il y a les caractéristiques de la fitra, c'est-à-dire de notre nature, sur laquelle il nous a créés, comme ça a été mentionné dans le hadith, il en a mentionné cinq, et elles ont été appelées les caractéristiques de la fitra, parce que la personne qui le fait, eh bien, il prend la description de la fitra sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses serviteurs, et sur laquelle, à laquelle il a incité ses serviteurs à essayer de prendre cette description là, et il a aimé cette chose là pour eux, pour qu'ils soient dans la caractéristique ou la description la plus parfaite et la plus noble, et pour qu'ils soient d'une apparence plus belle et dans leur plus belle création, disons dans leur plus belle apparence. Et ça, c'est une sunna qui est très ancienne et que les prophètes ont choisi pour eux-mêmes, et toutes les shara'a, toutes les lois que Allah a fait révéler ont toutes été d'accord sur ces principes-là. Et parmi ces choses-là, il y a al-istihdad. Al-istihdad wa huwa halq al-anati wa hiya ash-sha'r an-nabit hawla al-farj summiya istihdadan li-isti'mal al-hadida fihi wa hiya al-musa wa fi izalatihi tajmil wa nadhafa fayaziluhu bima sha'a min halq aw ghayrihi. Donc le cheikh il dit que al-istihdad, c'est de raser les ailes ou la partie les poils qui poussent autour des parties génitales, et on appelle istihdad. Pourquoi? Parce qu'on utilise qu'est-ce qu'on appelle al-hadida pour enlever ces poils, c'est-à-dire une lame. On utilise une lame, et ou bien qu'on appelle une lame de rasoir. Non. Donc ofi izalatihi tajmil, on s'embellit en enlevant ces poils là, c'est quelque chose qui embellit et qui nettoie, et qui fait on peut enlever les poils soit en les rasant ou bien en utilisant un autre moyen que le rasage. Il y en a qui préfèrent utiliser des produits chimiques, ils mettent ces produits là puis ça enlève les poils, ou d'autres trucs comme ça. Donc ça aussi c'est permis si quelqu'un veut les utiliser, des moyens qui pour épiler, comme on dit, les poils. Donc il y a ça, et il n'y a pas de doute que ça purifie, parce que lorsqu'on a des poils, beaucoup de poils, donc c'est quelque chose qui rend la purification parfois plus compliquée, plus difficile, parce que des impuretés peuvent s'accrocher à ces poils-là. Également, les ulama mentionnent souvent dans les livres de fiqh de raser les poils qui peuvent être autour de l'anus également, car bien entendu ça facilite beaucoup la purification lorsqu'on enlève les poils à ces endroits-là. Le cheikh il dit comme deuxième chose parmi les articles de la purification, il y a mention, ou parmi la, les articles de la fitra, il y a la mention de al-khitan, c'est-à-dire la circoncision. Et le cheikh il dit wa huwa izalatu jildat allati tughatti al-hashafa hatta tabruz al-hashafa wa yakunu zaman as-sighr لأنه أسرع برا ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحققة في القفلة وغير ذلك من الفوائد. Donc le cheikh il dit que on sait que al-khitan, c'est la circoncision, c'est d'enlever la peau qui est au-dessus des parties génitales, sur le gland, yani, au-dessus, disons, le prépuce qu'on appelle en français, et c'est de le couper, yani. Et ça, c'est mieux de le faire lorsque l'enfant est plus jeune, parce que ça guérit plus facilement, le cheikh mentionne ce fait-là, et pour que l'enfant grandisse dans la meilleure état possible, dans la plus parfaite des états. Et il dit que parmi les sagesses du fait de faire la circoncision, il y a le fait que ça purifie yani, les parties génitales de l'homme contre toutes des formes d'impuretés qui pourraient s'accumuler s'il n'était pas circoncis, et donc c'est plus facile à entretenir. Et également le cheikh n'a pas mentionné la question de la femme, mais on sait que c'est pas obligatoire pour la femme, tandis que pour l'homme, c'est dans les choses qui font partie des obligations. Après, le cheikh il dit وَقَصُ الشَّارِبْ وَإِحْفَاؤُهُ. Le cheikh il dit de couper les moustaches, de laisser les moustaches et de laisser la barbe. Donc le cheikh il dit وَهُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي في قصه سدي فكوبي لا مستاش ولما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. Parce que on sait que lorsqu'on coupe la moustache, c'est quelque chose qui fait partie de l'embellissement et de la propreté, et pour contredire les kuffars également, parce qu'on sait que parmi les traditions des kuffars, ils laissent leur moustache et coupent leur barbe, hein, ils laissent une grosse moustache et ils coupent leur barbe. Et tu vois parfois leur moustache qui descend sur leur bouche, et yani, toutes sortes de saletés peuvent s'accumuler sur cette moustache, etc. Et non, et ça fait pas propre, yani, c'est pas propre. Donc, parmi les choses qu'on doit faire, c'est de couper la moustache. وَقَدْ وَرَدَ عَلَى حَدِيثُ فِي الْحَثِ عَلَى قَصِّهِ وَإِحْفَائِهِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم ويقصونها أو يحاصرونها في نطاق ضيق إمعانا في المخالفة للهدى النبوي وتقليدا لأعداء الله ورسوله ونزولا عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة حتى صدق عليهم قول الشاعر. Donc le cheikh dit que il y a des hadiths authentiques qui incitent à couper les moustaches et à laisser pousser la barbe et de bien s'en occuper de notre barbe, hein, et de ne pas la couper. Le cheikh il dit parce que dans la barbe il y a quelque chose, c'est quelque chose de beau et ça montre une virilité, quelque chose qui a rapport avec le fait d'être un homme. Et c'est le contraire de ce que la plupart des gens, ou que beaucoup de gens d'aujourd'hui font, c'est-à-dire qu'ils laissent leur grosse moustache et qu'ils coupent leur barbe, hein. Et même parmi certains qui se prétendent être des du'ats à l'islam, qui laisse une grosse moustache et qui coupe les barbes. A'udhu billah. Yani, ça c'est grave. Et le cheikh il dit que, il laisse une grosse moustache et puis il coupe leur barbe. Donc ils font le contraire de ce que le hadith commande. Ils font le contraire de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit soit qu'il la coupe un petit peu, qu'il la rabaisse, hein, comme certains. Ils font une petite barbe toute mince là, toute petite, hein, comme certaines vedettes des koufars, yani. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils en coupent une partie et puis ils laissent juste une petite partie en avant là, comme juste une petite affaire étroite. Donc ils la dessinent. Il y en a qui la, ou bien qui laissent juste une petite ligne là, comme on dit, tout le tour des mâchoires là, comme s'ils la taillent là, pour que ce soit bien coupé, bien défini. Et ça aussi, c'est interdit de faire ça. Et le cheikh, il dit que ils font ça dans le but de contredire la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une contradiction de la guidance qui est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une imitation aveugle des ennemis d'Allah et du messager, c'est-à-dire des koufars. Et également, ils ont descendu de qu'est-ce qui avait rapport avec la virilité, hein, et la noblesse des hommes. Donc ils ont quitté les signes qui font de toi un homme viril pour descendre vers les signes de qu'est-ce qui a rapport avec d'être une femme et des choses comme ça. Donc on sait que la femme n'a pas de barbe. Donc qu'est-ce qui distingue l'homme de la femme? Une des choses qui les plus importantes qui distingue l'homme de la femme, c'est bien la barbe, hein. Donc c'est quelque chose qui te donne plus de virilité. On peut comparer ça avec la crinière du lion, hein, qui distingue le lion de la lionne. Eh ben c'est un peu ça, yani. Et il mentionne un verset qui un poème, un vers de poème qui dit yuqda 'ala al-mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara al-hasana ma laysa bil-hasan. Et ça, c'est ce qui se passe en fait aussi chez les gens maintenant, que c'est rendu à un point où les gens maintenant, ils voient comme étant beau ce qui n'est même pas beau, ce qui est laid. C'est-à-dire, il y en a beaucoup de musulmans, à force de voir que les koufars à la télévision, dans les films et partout, bon, ils sont avec la barbe rasée, commencent à voir comme si c'est quelque chose de beau d'avoir la barbe rasée, alors que c'est quelque chose de tellement laid qu'il y en a quelqu'un qui a la barbe, le prophète qui n'avait pas la barbe, qui était rasé comme ça. Hein, il y a un hadith qui mentionne qu'il y a des Perses qui étaient venus avec une grosse moustache, qui n'avaient pas de barbe, le prophète ne voulait même pas les regarder. Donc, ça, c'est quand la fitra d'une personne a été déviée. Hein, sa fitra, elle a été déformée. Donc, il ne peut plus voir qu'est-ce qui est beau comme étant beau, et il voit qu'est-ce qui est beau comme étant laid, et il voit qu'est-ce qui est laid comme étant beau. Hein. Ça veut dire la fitra d'une personne a été renversée. Et également, il y a beaucoup d'autres exemples de ça qu'on pourrait mentionner, mais c'est juste pour dire qu'il y en a des gens parfois, lorsqu'ils vont se marier, ou lorsqu'ils vont, par exemple, aller faire le hajj, ou des choses comme ça, ils vont faire l'umrah, après ils vont se raser. Mais quand ils vont se marier, ils vont se raser le jour de la fête du mariage, etc., pour soi-disant être plus beau. Alors qu'au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il faut laisser la barbe et la peigner comme il faut, bien s'en occuper et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait du parfum dans sa barbe, etc. Donc, yani, c'est ça qui arrive quand les gens ont délaissé la sunna, hein. Donc ils ne voient plus qu'est-ce qui est beau comme étant beau. Et donc il ne faut pas suivre l'exemple des koufars et croire que et une femme ne devrait jamais demander à son mari de baisser sa barbe. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui ont la foi faible et qui ont pas beaucoup de compréhension de la religion. Elles disent « Ah, coupe ta barbe est trop longue, auzubillah ». Ça, c'est des femmes qui ont une faible compréhension de la foi et de la compréhension de l'islam. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider, de les ramener à la bonne compréhension pour qu'elles trouvent qu'est-ce qui est beau comme étant beau et qu'est-ce qui est laid comme étant vraiment laid. أقل الشيخ زي وقول آخر لا عجب أن النساء ترجلت ولكن تثنيث الرجال عجيب. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est un autre poème, hein? Et des fois les ulama, ils mentionnent comme ça des vers de poèmes juste pour donner des exemples en fait, parce que on sait que dans ces poèmes là il peut y avoir des choses qui sont vraies ou fausses, mais des fois juste pour supporter un point, ils vont mentionner ça comme ça. Et il dit, c'est pas étonnant de voir que des femmes essaient d'agir comme des hommes, mais là, de voir des hommes essayer d'agir comme des femmes, ça c'est étonnant. c'est-à-dire quelque chose de vraiment incompréhensible, yani, tellement grave, étonnant, yani, que tu ne peux pas comprendre comment des hommes pourraient essayer d'agir comme des femmes. En se rasant, yani, des choses de ce genre. Yani. Donc après, le cheikh il mentionne comme quatrième point. ومن خصال الفطرة تقليم الأظافر وهو قطعها بحيث لا تترك لا تترك تطول يعني لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها والبعد عن مشابهة السباع البهيمية وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المتخنس والنساء الهجميات فصاروا يطيلون أذفارهم مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم لهدي النبوي وإمعانا في التقليد الأعمى. Donc le cheikh il dit que également parmi les choses de la fitra, il faut couper les ongles, et c'est-à-dire qu'il faut les couper et ne pas les laisser pousser longs, et du fait de les couper, c'est quelque chose qui embellit et qui garde les ongles plus propres, hein, qui empêche l'accumulation de saleté en dessous des ongles et qui t'éloigne de ressembler aux bêtes sauvages qui ont des griffes, etc. Et il dit que cette fitra du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été contredite par certains jeunes d'aujourd'hui parmi les gens qui sont déviés, parmi les gens qui sont affectés par les habitudes des occidentaux parfois, et parmi les femmes sauvages, yani, qui essaient de pousser leurs ongles comme des bêtes sauvages, et il dit que elles font pousser leurs ongles, et ça c'est en contradiction avec la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est dans le but également de suivre d'une façon aveugle les koufars, yani, qui laissent pousser leurs ongles, qui mettent du vernis dessus et des trucs comme ça. Après, le cheikh il dit comme numéro 5, ومن خصال الفطرة نتف الإبط أي إزالة الشعر النابت في الإبط فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غير ذلك لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الراحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر. Donc le cheikh il dit parmi les règles de la fitra, il y a le fait d'enlever les poils, hein, d'épiler les poils en dessous des aisselles, et il dit que ça c'est une sunna. Et d'enlever ces poils là, on peut le faire soit en les tirant, en les arrachant, ou bien en les rasant avec un rasoir. Et le fait de les enlever, ça nettoie et puis ça enlève la mauvaise odeur qui peut doubler, yani, dans le cas où il y a beaucoup de poils qui restent en dessous des bras. Donc c'est plus facile à nettoyer lorsqu'il n'y a plus de poils en dessous des bras. Le cheikh dit ensuite: أيها المسلم هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر مخالفا بذلك هدي المشركين. Le cheikh il dit que, toi le musulman, sache que notre religion est venue avec ses législations dans les caractéristiques qui font partie de la fitra, et c'est dans le but de nous embellir et de nous nettoyer et de nous purifier, pour que le musulman soit toujours dans le meilleur état et dans la plus belle apparence possible, et pour contredire la voix des mouchriquines. Après, il dit لما في بعضها من تمييز الرجال بين الرجال والنساء ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة. Le cheikh il dit parmi les sagesses qui existent dans le fait d'appliquer ces règles-là, il y a la distinction entre les hommes et les femmes, pour qu'il y ait toujours une distinction entre les deux personnalités, la personnalité de l'homme et de la femme, et pour que la personnalité qui correspond à leur rôle dans la vie reste, hein, parce qu'on sait que dans l'islam, l'homme a son rôle et la femme a son rôle, on ne peut pas mélanger les deux et dire les deux ont le même rôle. Le cheikh dit ولكن أبا كثير من المخطوعين الذين يظلمون أنفسهم أبوا إلا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم واستيراد التقاليد التي تتناسب مع لا تتناسب مع ديننا وشخصيتنا الإسلامية. شيخ الدماء, il y a beaucoup de gens qui ont été trompés et qui se font de l'injustice à eux-mêmes. Ils ont refusé, accepté de contredire la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont insisté à contredire la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre les traditions des kuffars, yani, qui ne font pas partie de notre religion et qui n'est pas yani, acceptable dans notre religion et qui ne fait pas partie de notre personnalité islamique non plus. واتخذوا من سفرة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم. Hein, ils ont pris les choses basses, les bassesses de l'Occident ou de l'Orient comme des exemples à suivre dans leur personnalité. فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. Donc ils ont laissé tomber ce qui est mieux pour ce qui est bas, hein, pour ce qui est pas bon, et puis ils ont changé le bien pour par un mal, yani. Hein? بل استبدلوا الخبيث بالطيب والنقص بالكمال. Ils ont remplacé qu'est-ce qui est imparfait. Ils ont remplacé la perfection par qu'est-ce qui est imparfait. فجنوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم. Ils ont donc fait un crime envers eux-mêmes et envers leur société. فجاءوا بسنة سيئة. Ils sont nés avec une mauvaise sunna. باءوا بإثمها وإثم من عمل بها تبعا لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, pour terminer, il dit, ils ont donc fait un crime contre eux-mêmes et contre leur société. Ils ont amené une mauvaise action. Et donc, ils auront son péché et le péché de tous ceux qui les ont suivis dans cette mauvaise action-là. Et il dit, et il n'y a pas de force acceptée et de mouvement accepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut et le très grand. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne le succès aux musulmans pour qu'ils puissent réformer leurs actions et leurs paroles et qu'il leur donne la sincérité et qu'il y ait la sincérité de faire toutes les œuvres qu'ils font pour uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils s'accrochent à la sunnah de son messager sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وسأتي ici et puis on continuera demain إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.